devient un défilé de danseurs. Tout le monde lance une moto, une voiture. Même le jour, c'est comme ça. C'est écœurant. Vous pouvez demander, je vais demander au préfet de région de sanctionner, et au maire aussi. C'est écœurant. Tous les travailleurs sont emmerdés. Tous les enfants emmerdés, tous les bébés, même les ados et les feuilles sont emmerdés par cette merde. C'est horrible. On ne peut pas travailler tranquille, on ne peut pas manger tranquille pour les pauvres gars. C'est pas la merde. Hein. Je ne suis pas le deuxième sélectri. Il y a encore des bruits, j'entends. Les profanes perturbateurs là, qui font le yo-yo, c'est boum boum, fouette fouette, le bagne. La nature n'a pas besoin de... Voilà. L'assassin. Allez, vous couchez.